Ce que Gwynplaine voyait là, c'était une cave pénale. Ces caves abondaient en Angleterre. Gwynplaine, hagard au haut de l'escalier, commençait à trembler tous ses membres. La forme humaine couchée à terre râla une deuxième fois. Une voix dans la pénombre dit « Approchez !» Le justicier Coron murmura à l'oreille de Gwynplaine « Vous êtes devant le shérif du comté de Surrey. » Gwynplaine avança jusqu'au supplicié qu'il voyait étendu au centre de la cave. Son effroi devint épouvante. Ensuite, le shérif éleva la voix. « Homme, qui êtes ici lié de chaîne, écoutez pour la dernière fois la voix de la justice. » Pour l'obliger à parler, le shérif énumère alors toutes les tortures qui, depuis 4 jours, ont été infligées en vain à cet homme. « Ne t'obstine point de la résistance. Cadavre commencé, écoute. À moins qu'il ne te plaise, expirer ici, pendant des heures, des jours et des semaines, et agoniser longtemps, d'une épouvantable agonie affamée et fécale, seul dans ce souterrain, délaissé, oublié, aboli, donné à manger aux rats et aux belettes. Ouvre les yeux et dis si tu reconnais cet homme. » Le patient n'ouvrit pas les yeux. Le shérif jeta un coup d'œil tour à tour au justicier Coron et au Wapentech. Le justicier Coron ôta à Gwynplaine son chapeau et son manteau, le prit par les épaules et lui fit faire face à la lumière du côté de l'homme enchaîné. Le patient vit Gwynplaine. Alors, soulevant lui-même sa tête et ouvrant ses paupières toutes grandes, il le regarda. Il tressaillit et cria « C'est lui ! Oui, c'est lui !» Et terrible, il éclata de rire. « C'est lui » répéta-t-il. Puis, il laissa retomber sa tête sur le sol et il referma les yeux. « Greffier, écrivez !» dit le shérif. Gwynplaine se débattit. Il se mit à balbutier des bégaiements incohérents. « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi, je ne connais pas cet homme. Je loge à Lincolnshire, je m'appelle Gwynplaine. Vous avez devant vous un pauvre saltimbanque. » « J'ai devant moi, dit le shérif, Lord Fermain Clancharlie, baron Clancharlie Inkerville, marquis de Corleone en Sicile, pair d'Angleterre. » Et se levant et montrant son fauteuil à Gwynplaine, le shérif ajouta « Milord, que votre seigneurie daigne s'asseoir. »